9. A. 1. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi ? Je viens m'inscrire au cours d'anglais. D'accord. On va remplir une petite fiche. Très bien. Alors, quel est votre nom ? Liétard. Liétard. Comment ça s'écrit ? L. I. E accent aigu. T. A. R. D. L. I. E accent aigu, T, A, R, D. Oui, c'est ça. Ah, et votre prénom ? Pierre. Pierre. Votre adresse ? Alors, l'adresse, c'est 53 rue des Tisserands, à Lyon. À Lyon, 53 rue des Tisserands. Vous avez une adresse électronique ? Oui, bien sûr. Alors, c'est facile. lietard@web.rp. lietard@web.rp. C'est bien ça. Vous travaillez ? Oui, je suis professeur. Professeur d'histoire. Professeur d'histoire ? Ah, très bien. Et pour quelle raison vous voulez apprendre l'anglais ? Vous savez, j'ai surtout des amis. En fait, beaucoup d'amis anglais, américains. Voilà. Ah, d'accord. Vous avez des amis. Ce n'est pas pour une raison professionnelle. Non. Ça peut être utile. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. 2. Bonjour. Bonjour. Je viens pour m'inscrire au cours d'anglais du soir. Ah, très bien. On va remplir une petite fiche. D'accord. Alors, votre nom, s'il vous plaît ? Boyer. Boyer. B-O-Y-E-R ? Oui, c'est ça. B-O-Y-E-R. Votre prénom ? Marine. Marine. Marine Boyer. Et votre adresse ? Alors, j'habite au 10 rue Victor Hugo. À Lyon ? Oui, à Lyon, c'est ça. Vous avez une adresse électronique ? Oui, c'est mboyer@web.rp. Mboyer, d'accord. Et un numéro de téléphone ? Oui, bien sûr. C'est le 04 10 12 11 07. 04 10 12 11 07. Vous êtes étudiante ? Oui, je suis étudiante en biologie.